L'étrange aventure de Pierre Fonrami de J.L. Gaston Pastre. Première partie, chapitre 1. Les environs de Saint-Fulcran sont âpres. Toutefois, la sévérité sévenole y est tempérée par les grâces naissantes du Bas-Languedoc. En de rudes gorges, les montagnes schisteuses descendent vers les coteaux chargés d'oliviers au feuillage fragile. Les mouvements s'adoucissent et la plaine basse se développe jusqu'à la mer Latine. Ces derniers contreforts des Cévennes ne sont plus la montagne, mais ne méritent pas le nom de plaine. C'est là que, dans une grande maison carrée, couverte de tuiles vernissées, vivait Pierre Fonrami. Il avait 34 ans. Une belle fortune lui faisait des loisirs. Une passion unique absorbait sa vie. Dans un attrait invincible pour toutes les intensités du corps et de l'âme, il avait fait de nombreux voyages, couru le vaste monde, participé à des explorations. Puis, de retour dans son pays, s'était enfermé dans sa vieille maison qu'il habitait seul, étant sans famille. Il trouvait là un apaisement. Ce qui fait le caractère de ce paysage du Midi Cévenol, c'est, parmi des rudesses, le calme, la tranquillité, la sécurité joyeuse. Si un spectacle extraordinaire jette l'âme dans une sorte de ravissement qui l'excite et la trouble, il en résulte, à la longue, une fatigue qu'on a du mal à supporter. Pierre Fonrami ne voulait pas que la nature, l'attirant trop à elle, l'empêchât de s'appartenir à lui-même. Au sortir de ses courses lointaines, rien ne lui convenait mieux que cet horizon tranquille, où tout était repos. Seules des communications brèves, de courts récits de voyages, au style net et impérieux, le rappelaient de temps à autre au souvenir des vivants. Or, ce matin-là, comme il rentrait d'une longue promenade à travers ses terres, son valet de chambre lui remit une lettre portant un timbre italien. Il lut. « Monsieur, Son Altesse Royale, Monseigneur le Duc de Palerme, partira à la fin du mois à bord de la Rondine pour un voyage d'exploration au Tibet. Le prince a lu vos articles remarquables sur le Karakorum et apprécie comme il le mérite vos beaux travaux. Il serait heureux si vous vouliez vous joindre à cette expédition. Son Altesse verrait avec plaisir que par vous la France fût, dans la circonstance, associée à l'Italie. Veuillez trouver ici, monsieur, l'assurance de ma considération. Luigi Ferrato, commandant de la Rondine. Post-scriptum, la Rondine quittera l'île de Yerta dans 2 semaines. Vos articles remarquables, vos beaux travaux, excessifs, murmura Fonrami. Il haussa les épaules. À tout prendre, cela était bien. Alceste est un faquin, Philinte, un homme d'esprit. Fonrami connaissait la réputation du prince. Son exploration de la Tripolitaine, ses voyages, en Abyssinie. Il savait que, grâce à son énorme fortune, il avait loué au gouvernement italien la petite île de Yerta, en face de Tripoli, d'Afrique. Là, il vivait, tout à ses préoccupations scientifiques. Pierre Fonrami était libre. Ses terres se trouvaient en bon état, tout allait bien de ce côté. Chose importante, car, s'il ne divinisait point l'argent, il en savait la puissance. Donc, rien ne le retenait. Il enfourcha sa bicyclette, descendit jusqu'au bureau de poste de Saint-Fulcran et télégraphia son acceptation. À son retour, il sonna son valet de chambre et bourra avec méthode sa malle robuste et légère. Il nettoya minutieusement ses instruments, monta et remonta théodolite, boussole, goniomètre, zélunette, rangea avec soin cartes et documents divers. Puis il alluma sa pipe et se renversa dans son fauteuil. Sur une table, un livre était à portée de sa main. Il le prit et l'ouvrit au hasard. C'était la Vita Nuova. Il lut « Cavalcando l'altrier per un camino. Pensoso dell'anda che mis gradia. Trovai amore in mezzo della via. In abito leggero di peregrino. » Un pâle sourire erra sur sa face rasée et il ferma le livre. Chapitre 2. Quelques affaires à régler conduisirent Pierre Fonrami à Lyon. Il résolut de gagner Gênes, où il devait s'embarquer, par le Simplon. Le Valais est un couloir morne et âpre, où l'âme ne trouve nul élément d'excitation. Le tunnel du Simplon est long et chaud, passage désagréable du nord au midi. Fonrami refaisait en imagination le voyage de Goethe, lorsque, quittant sa royale solitude et la sylvestre Weimar, échappant au prestige de la divine Madame de Stein, comme il avait déjà pu s'évader jadis des délicieuses tortures du parc de Lilly, le poète germain descendait, par des routes poétiquement semblables, de sa forêt d'Hercynie vers les flots apaisants de la mer tyrrhénienne. Le sourire de la beauté latine allait l'accueillir, bercer son âme, harmonieusement tourmentée, dans le moment où elle épandait sur le monde les sublimes accents d'Iphigénie. Goethe croyait, puissance infinie de l'imagination et du rêve, se sentir plus près des sources habitées par les grâces et les muses, fouler une plage, enfin digne de la fille du roi des rois. Sur les bords disciplinés du lac de Garde, ce jeu poétique devint une réalité. Au soleil couchant, il aimait errer sur les grèves, pendant que les vagues venaient expirer à ses pieds. Et Pierre Fonrami, dans un élan d'enthousiasme, se récita les vers émus du monologue classique. « Dans vos ombrages, mouvantes cimes, de l'antique bois sacré au feuillage touffu, et sur le rivage, je reste debout de longs jours, cherchant avec l'âme le pays des Grecs. » Un brouillard doré glissait, éblouissant ses yeux, et soudain, devant lui, assis sur la banquette rouge du wagon, un singulier personnage lui apparut. Un homme dans la force de l'âge, vêtu d'un juste au corps bleu, d'un gilet à revers orange, d'une culotte souple, chaussée de bottes vernies, à revers jaune. Un large jabot de dentelle bouffait hors de son gilet. Il s'appuyait avec grâce sur une longue canne à pomme d'or. Sa figure grave et harmonieuse respirait une tranquille majesté. Pierre Fonrami, regardant mieux, reconnut le conseiller Wolfgang de Goethe, tel que nous le montrent de médiocres peintures et quelques bons dessins. « C'est bien à vous, jeune homme, de réciter mes vers, » dit lentement l'apparition. « Ainsi, vous n'avez point oublié cette pauvre Iphigénie. De mon vivant, elle me donna tant de mal, écrasant de sa majesté acteurs et spectateurs. Je vous rends grâce de m'en avoir rappelé quelques vers. Mais à ce que je vois, vous errez par le monde ?» Fonrami allait répondre « Oui, mon cher maître, » mais il se souvint à temps que Goethe avait été ministre et conseiller. Ayant du monde, il répondit « Oui, monseigneur. Allez, mon ami, et ne vous payez pas de mots, ils ne remplacent pas les idées. Quoi qu'en pense Méphistophélès, songez qu'à votre âge, tout doit être activité, joie et amour. » Le poète accentua « On lust, on lebe, sindie, fitie, zu groben, taten. Et désir et amour sont les ailes pour de grandes actions. » Fonrami répliquait que, déjà, l'apparition avait disparu. À un chaos brusque du wagon, il connut qu'il avait sommeillé. Ce rêve ne lui déplut pas. Pour tout homme qui aspire à se réaliser pleinement, qui se lance à corps perdu dans l'action et dit oui à la vie, le grand Goethe est un protecteur avisé. Cependant, le train roulait. À gauche, le lac majeur luisait autour de ces bijoux précieux et rococo que sont les îles Borromée. Des barques se balançaient sur les flots bleus, portant des couples, heureux sans doute, et Fonrami songeait aux terribles solitudes du Tibet qui l'attendaient. Cependant, nulle tristesse ne l'envahit. Ce paysage classique et apprêté lui communiquait une force souveraine, des désirs nouveaux d'activité et d'énergie. Chapitre 3. Le navire ralentit sa marche. C'était la fin d'une traversée ennuyeuse. Le lever de rideau de cette féerie qu'on nomme un voyage en Afrique. Une brume épaisse, fort romantique et point du tout orientale, obscurcissait encore l'horizon. Enfin, d'innombrables fusées dorées jaillirent brusquement. Le soleil sortait de l'eau et la côte apparut aux voyageurs sous l'aspect d'une longue frange lumineuse, flottant au loin. Le navire courut sur son air et mouilla dans le port de Tripoli, encore mal aménagé. Pierre Fonrami vit, malgré ses efforts, ses colis voltiger d'épaule en épaule dans les directions les plus variées. Se présenter au visa des passeports, faire passer des boîtes de cartouches pour des conserves alimentaires et trouver gîte dans un hôtel fut l'affaire d'un long instant. Puis il s'en alla par les rues étroites, où les ânes, les chevaux, les chameaux et les mulets tiennent le haut du pavé. Le reste appartient librement aux piétons, aux femmes entortillées dans leurs longues robes bleues et qui portent des fardeaux invraisemblables. à moins qu'elles ne traînent une guirlande d'enfants malpropres pendus en grappe après leur haillon. Cette insouciance des Arabes, ces chiens et ces enfants couchés au milieu de la rue, le menaient assez loin du paradis de Mahomet et de ces pays enchanteurs promis par le prophète. Visions immenses, forêts d'émeraudes et de saphirs, portant des fruits de rubis, montagnes d'ambre et de myrte, kiosques de diamants et tentes de perles, jardins où tigres et gazelles prendront leurs ébats sous des palmiers en sucre, palais de délices où chaque croyant aura plusieurs centaines de pipes avec du tabac odorant et blond pour les bourrées. Il erra sans but dans ce fouillis de ruelles qui n'ont ni plan ni symétrie, où se dissimulent, dans l'ombre chaude des arbres maigres, près du murmure des vieilles fontaines, les pierres tombales des anciens cimetières turcs. Pierre Fonrami alla plus loin, indifférent à la chaleur, douche chaude qui tombait du ciel ardent. Maintenant, c'était un faubourg, un village composé de huttes en terre, dissimulé sous de maigres palmiers. Ce nouvel aspect du palmier le frappa vivement. Cette silhouette plaintive complétait le caractère sauvage de l'étrange localité. C'était, avec la nappe aveuglante de la mer proche, un magnifique tableau dans la manière de Ziem. Il passa au bureau de poste. Une dépêche l'y attendait, lui donnant rendez-vous pour le lendemain, au petit jour, sur le port. Le lendemain, à l'aube, sous un élégant vêtement de yachtman, relevé aux manches de galons d'or, un homme qui pouvait avoir 40 ans, petit, hâlé, à la barbe noire taillée en pointe, se présenta à Fonrami, debout, sur le quai. « Monsieur Pierre Fonrami, je présume. Lieutenant de vaisseau Luigi Ferrato. » Une poignée de main fut échangée. Une longue embarcation à demi-pontée, blanche sous ses cuivres étincelants, était accostée au quai en construction. Le transport des bagages s'opère, un vigoureux appui de gaffe, et on pousse. Dans un ronron semblable à celui d'une machine à coudre, l'embarcation s'ébranle, fendant les eaux paisibles. Il fait chaud, une mer de feu. Du métal en fusion coule du ciel. On a la sensation de se dissoudre peu à peu comme un morceau de sucre dans l'eau bouillante. Fonrami est assis à l'arrière, auprès du commandant, sous une légère tente double aux ailes blanches. L'embarcation court, rapide, maintenant pleine mer. L'étrave du petit bâtiment laboure les eaux lourdes et moites. Fonrami songe, un moteur électrique sans doute, des accumulateurs, mais à l'avant, ce petit mât et ses haubans de cuivre. À quoi cela peut-il servir? Un appareil de TSF? Non, car il n'y a pas d'isolateur au collier. Mais quoi? Luigi Ferrato parle lentement d'une voix chantante où passe la caresse de l'accent sicilien. Son français est correct. Il est très satisfait de sa petite embarcation. Elle a battu tous les records sur le trajet Barcelone-Brindisi. Fonrami hausse les sourcils. Barcelone-Brindisi? Un navire à accumulateur? Curieux. Et l'autre continue. Une embarcation élégante, demi-pontée, robuste, s'élevant à la lame comme une mauve. Il fait visiter un petit rouf, trois couchettes et une table de roulis. Là, en cas de nécessité, on peut dormir, manger, se réfugier pour échapper aux embruns. La mer devient plus dure, une houle se creuse, des lames verdâtres bondissent, mais l'embarcation, accélérant son allure, file comme un torpilleur. Fonrami observe l'équipage. Trois hommes, à l'avant la vigie, une gaffe à portée de la main, une jumelle sur la lisse. Au centre, le mécanicien devant un simple tableau portant des commutateurs. À l'arrière, le patron, à la barre. Luigi Ferrato consulte son chronomètre. Nous sommes en retard. Il conduit Fonrami dans le rouf. Par le hublot encastré dans la porte, on voit le patron relever les cordages, hausser et rabattre les panneaux qui ferment l'arrière. Maintenant, le petit navire est entièrement clos. Alors la vitesse s'accélère. À l'allure d'un train express, l'embarcation s'enfonce dans les vagues, les fend et les traverse. Pendant 20 minutes, ils naviguent ainsi, à pleine allure. Puis, la vitesse se modère, les panneaux automatiques se relèvent, se rabattent, glissent à frottement doux dans leurs encoches. Fonrami et son hôte sortent du rouf. Devant eux, à quelques encablures, une île basse et verdoyante a surgi de la mer. Et l'officier italien, étendant la main, « Voilà, Yerta !» Chapitre 4. Ils débarquent sur cette île luxuriante, dont la végétation folle d'une incomparable abondance, d'une ardente crudité de ton, tranche si nettement avec ce désert âpre et désolé qu'est la Tripolitaine. Ils montent dans de charmantes petites voitures électriques. Du ciel tombe une lumière aveuglante, une lumière intense, qui donne des ombres courtes et bleues, dont les colorations sont cependant moins vives qu'on le pourrait croire, corrodées qu'elles sont par cette irradiation aveuglante. Ils franchissent un pont, un féerique jardin, un paradis de verdure, de majestueuses allées ombragées par de grands arbres souples. Des lianes folles en serrent des berceaux fleuris. Les rayons dardants du soleil impitoyable ne pénètrent que par intervalles dans cette ombre qui dort de chauds reflets tout ce qui la forme. Là, les essences de l'Afrique du Nord et aussi celles des tropiques. Des canaux étroits courent sous des berceaux aux mille couleurs. L'eau clapote en un rauque murmure autour des bouquets de nénuphars. Plus loin et par intervalles, des touffes de caféiers, de muscadiers, d'arbres à vanille, de tamariniers laissent échapper des vues sur les gazons de ce jardin de rêve, digne d'une nouvelle Armide. Au fond, entre les arbres, apparaît un palais blanc de style néo-grec, plus grand certes que le canon antique ne le voudrait, mais ayant de la mesure et de la proportion, rien qui rappelle la matière entassée des architectes modernes. Pierre Fonrami n'a pas le temps de contempler les hautes colonnes, le fronton harmonieux, le corps du bâtiment en marbre soutenu par une haute colonnade qui le perce à jour de part en part. Il est conduit à sa chambre dont la fraîcheur lui paraît délicieuse. Il ne tarde pas à savourer dans une piscine les voluptés d'une pluie abondante tombant d'une pomme d'argent. Un masseur noir lui apporte de molles serviettes chaudes, ses membres craquent sous des pressions savantes. Un arabe, en robe rouge, lui offre, dans une corbeille dorée, les plus beaux fruits de l'Afrique. Pierre Fonrami acheva sa toilette, rendue facile par l'agencement de toutes choses, par les vasques de faïence avec robinets thermométriques à eau chaude et à eau froide, par des lance-parfums automatiques toujours sous pression, et les brosses mues électriquement. Luigi Ferrato vint le prendre et le mena dans un salon de marbre aux meubles d'acajou où l'attendait le duc de Palerme. Le prince pouvait avoir 60 ans. Il était de haute taille, vigoureusement bâti, fort et même un peu corpulent. Ses cheveux étaient blancs. Dans sa barbe grisonnante descendaient de longs fils d'argent. Son nez, fortement arqué, supportait un double lorgnon derrière lequel luisaient des yeux vifs et malicieux. Son accueil fut d'une brusquerie cordiale. Il connaissait les travaux de Fonrami et lui savait gré d'accepter son hospitalité. Il parlait de ses occupations scientifiques, de son exploration en Abyssinie, de celle qu'il allait tenter au Tibet, de la rivalité courtoise mais aiguë qui mettait aux prises France et Italie dans le bassin de la Méditerranée. Il parlait aussi de l'île de Yerta, sur laquelle il avait réalisé un joli tour de force d'agriculteur et de sociologue. « Oui, oui, un tour de force, vous verrez cela. Ah, quelle joie, monsieur, de vous voir ici. Elle est passionnante, votre dernière exploration. Mais nous ferons mieux encore, je veux dire aussi bien, si c'est possible. » « Et la rondine, lève l'ancre quand, monseigneur ?»« Lève l'ancre ? Ah oui, vous aurez, je crois, une belle surprise. » Et, tout en causant, il menait son hôte par les galeries du palais jusqu'à une véranda où la princesse vint au-devant d'eux. De 10 ans plus jeune que son mari, des cheveux gris encadraient son visage mat, à l'ovale encore ferme. Elle avait vraiment grande allure sous ses vêtements blancs et noirs. D'une simplicité distante, elle accueillit Fonrami avec grâce. « J'ai tant entendu parler de vous et de telle manière que je croyais voir arriver un mage à barbe blanche, à robe longue et à chapeau pointu. » Fonrami s'inclina. Par moments, une mélancolie un peu hautaine voilait les yeux de la princesse et son interlocuteur se souvint qu'elle avait perdu récemment un fils unique, le comte de Borèze, tué dans un stupide accident de chasse. Cependant, elle conduisit Fonrami au fond de la véranda et, avec une complaisance qui le toucha, lui montra de magnifiques roses de France, dont la grâce, discrètement majestueuse, s'épanouissait parmi les splendeurs africaines. Les repas de midi les réunit dans une salle à manger blanche, claire et fraîche. Un jet d'eau chantait dans une vasque polie. Une profusion de fleurs chargeait cette table où luisaient les porcelaines chinoises et la lourde argenterie écartelée aux armes ducales. On parla du docteur Lorici, absent pour le moment. Autour de la table, toute l'escouade orientale des serviteurs s'empressait. Un grand nègre, vêtu de bleu, le bras levé, versait l'eau glacée. Deux autres changeaient les assiettes. Celui-ci découpait, celui-là apportait les plats. Un jeune garçon, mort, accroupi, attendait l'heure du café. On parlait peu. Fonrami était encore fatigué de son long voyage. On lui en demanda des nouvelles, et ce qu'il en dit fit toute la conversation. Le repas achevé, ils se rendirent dans la véranda. Les hommes gagnèrent des rocking chairs et, mollement balancés parmi les vapeurs fraîches des jets d'eau, ils fumèrent de longues pipes orientales à bout d'ambre, au parfum de jasmin. Maintenant, la lumière tombe plus douce. Le soir vient. Fonrami, dans sa chambre, après une courte sieste, endosse son smoking colonial. La cloche sonne et la même table somptueuse réunit les mêmes convives. « Demain, monsieur Fonrami, vous m'appartenez, » proclame le prince. « Vous visiterez cette île dont je suis orgueilleux. Demain, oui, et les jours qui suivront aussi. Puis, vers la fin de la semaine, c'est aujourd'hui mardi, nous nous occuperons sérieusement de notre expédition. » La conversation a lieu en français, comme il sied. La princesse demande à Fonrami s'il sait l'italien. « Fort mal, madame. Je traduis un texte facile. Si j'essaie de parler, c'est avec un accent tel que Dante, s'il m'entendait d'aventure, instituerait pour les barbares de mon espèce un supplice spécial. » On rit et on parle des explorations africaines. Le monde s'est rétréci. Il faudrait pouvoir reculer dans le temps, revivre à l'époque des Livingstone et des Stanley. Que reste-t-il à faire après ces géants? Oh, beaucoup encore, monseigneur. Au Tibet, pour rappeler la phrase célèbre de Sven Hedin, sur des centaines de kilomètres se développent des terres vierges, des montagnes qui n'ont jamais été gravies, dont beaucoup même n'ont jamais été vues, des lacs immenses perdus dans l'infini des solitudes et que personne n'a contemplés. Des eaux venues des cimes vierges, où nul ne s'est encore désaltéré. Ayant ainsi parlé, Pierre Fonrami se tut. Le dîner s'acheva, et ils sortirent admirer les étoiles. Le lendemain, suivant le programme prévu, la visite de l'île commença. Il était de très bonne heure. Dans le ciel, d'une douceur nuptiale, de blanches lueurs passaient. Les rayons du soleil matinal, tombant sur les fleurs blanches et roses des arbustes, allumaient dans leur verdure sombre des oranges d'or. Le prince présenta Pierre Fonrami au docteur Lorici de l'université de Milan. C'était un petit homme brun, au teint cuivré, le dos voûté, une belle tête, au front haut et bombé. Les tempes dégarnies, les cheveux longs, les yeux vifs. Un âge indéterminé, 40 ou 45 ans. L'île de Yerta affecte la forme d'un pentagone irrégulier. Par sa disposition générale, elle ressemble à une feuille d'érable. Sa superficie est d'un peu plus de 350 km carrés. Elle est basse sur l'eau. Un certain relief ne s'y accuse qu'au centre, où, de petites collines, par un mouvement presque insensible, s'élèvent à environ 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le sol en est sablonneux, sec, aride et stérile, comme en ce pays toute terre qui n'est pas irriguée. Lorsque le gouvernement italien consentit à donner cette île à bail au duc de Palerme pour une durée de 99 ans, il ne crut pas faire une grande perte, outre que l'île lui devait revenir plus tard avec les améliorations que le grand seigneur et ses héritiers promettaient. Elle n'était habitée que par de vagues familles berbères et quelques pêcheurs maltais, installé sur le seul point de cette côte inhospitalière où une embarcation peut aborder. Telle qu'elle était, l'île plut au prince lorsque, voici quelques 15 ans, il en obtint la libre possession. Si la Sicile, son pays, est un des plus magnifiques coins de la croûte terrestre, Il ne partageait pas, pour les régions africaines, le dédain de certains économistes. Il les savait susceptibles de redevenir prospères, de rappeler ces magnifiques greniers que furent pour Rome les provinces d'Afrique, couvertes jadis de plantureuses moissons et de larges forêts d'oliviers. Partout où l'on peut irriguer, ce pays devient magnifique. Les belles oasis y accompagnent toujours les abondantes fontaines. Il fallait donc trouver de l'eau. L'île de Yerta ne possède aucune source naturelle. On y buvait de l'eau de pluie conservée dans de vieilles citernes, dont certaines datent des Carthaginois. Un vieux puits phénicien fournit au prince des indications. Il découvrit enfin, dans les archives des chevaliers de Rhodes, une note indiquant qu'une nappe d'eau se trouvait à quelque profondeur. On fit des sondages, ils furent concluants. Bientôt, des puisatiers florentins éventrèrent le sol. On amena des locomobiles à pétrole pour actionner les perforatrices rotatives. En quelques semaines, un puits immense fut creusé. Il s'enfonçait profondément dans les entrailles du sol. Des pompes puissantes épuisèrent les premières nappes. Plus bas, ce fut un véritable lac. Cette eau si abondante était fraîche et pure. Il fallait maintenant l'amener à la surface du sol grâce à des pompes plus pratiques. C'est alors qu'intervint le docteur Lorici. Le hasard l'avait jeté dans la vie du prince alors que, la médecine abandonnée, il s'était lancé dans les inventions. Ses expériences avaient englouti ses maigres ressources. Arrivé à l'extrême misère, il se débattait péniblement contre ses créanciers. Le duc de Palerme jugea l'homme, un de ces tempéraments volcaniques qui ont besoin d'un guide, d'un mentor, tout au moins d'un protecteur influent et puissant. Maintenant qu'il était sûr de manger tous les jours et d'échapper à cette misère implacable qui est trop souvent l'apanage des esprits distingués, Lorici se révéla un inventeur de génie. Son idée primitive avait été de construire des insolateurs paraboliques. Mais, à la réflexion, il s'engagea dans une voie nouvelle, utilisant le miroir parabolique de l'appareil, mais n'en conservant pas la chaudière. Sur les feuilles de cuivre du tronc de cône, il disposa des cases de plomb, contenant chacune une lame d'un métal mystérieux, d'aspect verdâtre, qu'il nomma palermium. Sous l'influence des rayons solaires, les miroirs se transformèrent en piles thermodynamiques d'un rendement inconnu jusqu'à ce jour, d'un voltage et d'un ampérage extraordinaires. Toute chose qu'on pouvait faire varier en enroulant et en déroulant des volets de bois qui permettaient de distribuer à la surface des insolateurs la chaleur solaire. Le docteur construisit de vastes accumulateurs et eut ainsi à sa disposition une force infinie que lui prodiguait le soleil. Il fit venir de Milan des pompes rotatives électriques qui chassèrent dans de vastes citernes l'eau du puits. Ces citernes en ciment furent construites dans le mode carthaginois et romain, sur le point le plus élevé de l'île. Leur capacité était immense. C'était un véritable lac artificiel que renfermait leur voûte surbaissée. Extérieurement, les murs furent revêtus de briques rouges et décorés par endroits de plaques de faïence. Des canaux, en tous sens, répandirent les eaux vivifiantes à la surface de l'île. Un pays nouveau surgit. Des champs fertiles, des jardins potagers, des bouquets d'arbres à la végétation luxuriante. On eût dit un coin d'Afrique à la seconde période de la domination romaine, ou une vallée d'Andalousie sous la bienfaisante civilisation maure. Toute une population agricole vivait sur l'île. Le prince avait amené là de rudes paysans des Abruzes, des Siciliens au regard de feu, et tant d'autres braves gens qui avaient abandonné le sol épuisé de l'Italie méridionale pour trouver travail, paix et repos. Ce que cette terre, maintenant fertile, leur accordait. Ils étaient groupés en de petits hameaux pittoresques, aux maisons blanches et rouges, bâtis avec une grande diversité de styles. Rien de monotone dans ces modestes agglomérations, tout y était discret et de bon aloi. « Le machinisme règne chez nous en maître », faisait le prince sans brutalité ni despotisme. « Oui, » répondit Fonrami. « Grâce à la fée électricité, fée que vous avez su rendre docile, monseigneur. »« Ce n'est pas moi, c'est le docteur. »« Une baguette magique ? J'en ai plusieurs, répondit Lord Ritchie en secouant sa grosse tête. Observez comment nous appliquons les règles de l'hygiène. Surveillance étroite des aliments et de l'eau dans les maisons. Ni papier peint, ni tenture, ni tapis. Les murailles sont revêtues de faïence. Le sol, pavé de mosaïques. L'hygiène n'y perd rien. Et l'art y gagne. Nous avons habitué nos gens à suivre une règle de vie saine et normale. Pas de travail excessif, pas de surmenage, pas de grande paresse non plus. Des écoles rationnellement organisées et le sport pratiqué avec équilibre. Salerne, quoi ? Cependant, le duc de Palerme et Pierre Fonrami prirent place dans un petit wagon monté sur un léger châssis d'acier au vanadium. Ce chemin de fer était électrique, monorail et gyroscopique. Des groupes de deux gyroscopes donnaient à chaque voiture une sécurité absolue. Elles pouvaient courir à des vitesses folles, en suivant les courbes audacieuses par lesquelles le rail unique serpentait au travers de l'île. Fonrami admirait, sans réserve. Tout ce qu'il voyait suggérait l'idée d'une organisation raisonnée, dans un bel ordre méthodique. On y trouvait la solution réfléchie des problèmes les plus divers, avec une intuition de progrès qui se réalisait dans une application constante. Une grande bâtisse blanche, le long de laquelle courait la voie ferrée, l'intrigua. C'étaient des bâtiments de forme polygonale, revêtus de belles faïences. Une tour ronde s'élevait dans le ciel. Au sommet de cette tour, trois pylônes métalliques, dont la robuste charpente supportait d'énormes câbles qui l'allongeaient dans l'espace et allaient aboutir là-bas, au bord de la mer, à une tour trapue et basse. Entre les deux tours, il pouvait y avoir 3 kilomètres. On voyait sur les plateformes des transformateurs d'énergie, des machines colossales et délicates, puissantes et subtiles. Du regard, Fonrami interrogea le prince. « Plus tard, cher monsieur, plus tard, et ce ne sera pas la moindre de vos surprises. » Dans le hall du palais se trouvait un grand orgue, aux jeux multiples, dont la princesse jouait avec facilité. « Aimez-vous la musique ?»« Beaucoup, madame. » « Où vont vos préférences ?»« À tout prendre, c'est au vieux maître, à cette école classique qui commence avec les premières fugues de Bach et s'achève dans l'accord final de Parsifal. » Et entre ces deux passionnés de musique, une communion s'établit incontinent. Non pas qu'ils fussent de ces âmes fragiles pour qui la musique est devenue une sorte de prolongement factice de la vie. Rien de semblable n'était de mise ici. De par son rang, la duchesse de Palerme avait appris à se maîtriser, à ordonner ses impressions et ses sentiments. Elle ne s'était jamais oubliée dans une admiration qui ne fut parfaitement légitime. Et c'est ainsi qu'elle arrivait au seuil de la vieillesse, dans le magnifique épanouissement d'une volonté sûre d'elle-même et qui n'avait jamais faibli. Pierre Fonrami, bien que franchissant le seuil encore doré de la seconde jeunesse, avait, de par sa vie aventureuse, appris, lui aussi, à se gouverner. Sur Bach et sur Wagner, ils furent en plein accord. Sans réserve, ils s'abandonnaient à la noble et pure maîtrise, à l'énergie frémissante, héroïque et victorieuse, de ces deux immenses et avides curiosités. Et tout naturellement, la princesse joua sur son orgue le 7e prélude du Clavecin bien tempéré et le final de Parsifal. Après quoi, il se fit un long silence. Puis, assez naturellement, on en vint à parler de Yerta. « Ici, dit le prince, qui venait d'entrer, le travail est la loi. Il est aisé, dans une société restreinte comme celle-ci, d'appliquer tel principe qui serait difficilement admis dans un grand État. « C'est du socialisme, monseigneur. » « Non, monsieur, de la logique pure seulement. Le socialisme, c'est à proprement parler une forme du désenchantement qui incite les hommes à chercher le bonheur dans la communauté, c'est-à-dire dans l'atténuation de l'effort personnel et de l'initiative individuelle. Nos lois sont simples. Un mélange du droit civil actuel de l'Italie, que Napoléon a si fortement marqué, et de nos antiques coutumes. Coutumière et patriarcale, la Constitution réunit autour de moi les chefs des vieilles familles, les anciens des villages et les délégués des corporations. Si le meilleur des gouvernements ne vaut pas grand-chose, il faut tout de même en avoir un. « Et maintenant, monsieur, parlez-nous du Tibet. » « Que puis-je en dire, monseigneur ? Un massif gigantesque, le plus élevé et le plus énorme qui soit au monde. Un trapèze colossal, dont les côtés sont elliptiques et qui sépare la Chine du Turkestan, la Sibérie, des Indes. Une superficie d'environ 2 millions de kilomètres carrés, couverte par une série de chaînes de montagnes neigeuses qui, ramassées sur le méridien de Karakorum en un faisceau étroit, s'épanouissent vers l'est en éventail, s'inclinent les unes vers le nord, les autres vers le sud, pour se resserrer de nouveau en un mouvement inverse. Maintenant, il citait Bonvalo, Dutreuil de Rhin et Grenard. Entre les sources de l'Indus et du Damla, celles du Salouen et du fleuve Bleu, se trouve la région des lacs, avec son climat sec et continental, ses plateaux que bordent des chaînes de montagnes peu articulées. Pas d'écoulement pour les eaux. C'est la toundra sibérienne. L'altitude moyenne atteint 5000 mètres. En été, la température s'élève parfois jusqu'à plus 16 centigrades. En hiver, elle s'abaisse à moins 20 et même à moins 40. La végétation est à peu près nulle. Puis, une zone de transition plus basse, aux herbes courtes et rases. Enfin, les vallées, d'abord hautes, stériles et peu hospitalières, deviennent plus fertiles à mesure qu'on descend, jusqu'au moment où vers le sud, à cause de la proximité des régions chaudes, on trouve du riz, des abricots et des jujubes, jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Une telle contrée pouvait moins encore que tout autre être le berceau d'une civilisation, même primitive. Elle ne pouvait guère servir de refuge qu'à une culture médiocre, pâle reflet des civilisations chinoises et hindoues. Ces Tibétains, qu'ils soient sédentaires ou nomades, ont tous un air de famille, mais c'est une famille hétéroclite, et il est fort difficile d'y dégager un caractère spécial. Ce sont certainement des Mongols, souples et vigoureux comme leurs ancêtres, mais timides et obséquieux, cruels à l'occasion, avec de la crédulité et quelques puérilités. Ils connaissent tout leur domaine. Non, monseigneur, non, il existe d'immenses espaces, des carrés de 200 kilomètres de côté où les Tibétains eux-mêmes n'ont jamais pénétré. Fonrami se leva, sortit et revint avec une carte à grande échelle qu'il déploya sur la table. Là, entre le Karamuren et le lac Montcalm, voyez-vous ces immenses régions inhabitées. Tout est blanc sur la carte, et pour un explorateur, ce blanc est vexant. Il faudrait partir des Indes et en remontant par le Sikkim. Le prince l'interrompit. « J'ai un moyen moins long et plus sûr, grâce à la rondine. »« Votre yacht, monseigneur, il nous mènera jusqu'à Bombay et de là ?»« Non, non, ce sera autre chose, mais l'heure s'avance. » On se sépara. Le docteur Lorici, allumant une cigarette, entraîna Fonrami dans le jardin. La nuit lumineuse et parfumée était très chaude. Fonrami s'en montra surpris. Il faisait si frais dans le palais. Le docteur lui expliqua qu'il existait des réfrigérateurs dont les bouches s'ouvrant, invisibles, au plafond des pièces, y distribuaient à volonté des colonnes d'air froid.